J'ai été longtemps chercheuse, donc dans 2 ans, j'étais chercheuse, puis dans 2 ans, j'étais chercheuse. Et là, il y a quelque chose qui a changé. Et du coup, c'est comme si c'est possible de changer. Donc voilà, tout est possible. Bonjour à tous. Ça dépote est un podcast où l'on rencontre des personnes inspirantes qui peuplent la serre. Mais avant tout, la serre, c'est quoi ? Imaginez-vous à 2 pas du bourg de Plougastel. Vous entrez par un petit portail blanc, devant vous un jardin avec une belle pelouse et un joli magnolia. Vous marchez une dizaine de mètres et vous tombez sur une maison. Vous passez ces 2 portes, l'une blanche et l'autre en bois. Vous y voilà, bienvenue à la serre. Bienvenue dans notre espace de coworking, mais aussi ce tiers lieu où germent de nouvelles idées. Je m'appelle Clément Houy, je suis photographe et vidéaste, et aujourd'hui, pour ce dernier épisode, je rencontre Annie Chapelle, somathérapeute à la serre. Bonjour Annie. Ah, bonjour Clément. Si j'ai bien compris, tu es somathérapeute. Oui. Et anciennement chercheuse en écologie marine. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours ? Oui, moi j'ai fait des études scientifiques et puis j'avais envie de travailler avec la mer et au bord de la mer d'ailleurs. Du coup, j'ai vraiment eu cette chance depuis Nice. Je suis venue à Brest faire une thèse en écologie marine et j'ai été embauchée ensuite. J'ai toujours beaucoup aimé mon métier en fait. J'ai travaillé sur les petites algues, les micro-algues qui sont invisibles à l'œil nu et qui sont à la base du réseau alimentaire. Donc sans elles, il n'y a pas de vie dans les océans et puis il y a une diversité de formes. Voilà, elles sont invisibles à l'œil nu, mais dès qu'on les regarde au microscope, c'est magique. Donc il y a quelque chose d'assez merveilleux. Et en fait, ma recherche est beaucoup portée sur l'impact de l'homme sur les écosystèmes côtiers. Hein. Voilà, j'avais l'impression de faire un métier qui à la fois était de la recherche et donc tout le temps renouvelé, en équipe, avec d'autres personnes qui avaient d'autres techniques, et en plus de faire quelque chose en lien avec la société. Donc ça, c'était la première partie de ma vie. Et puis, au bout d'un moment dans ma vie, c'est passé que j'avais envie de découvrir d'autres choses. Et j'ai découvert le massage, mais qui s'appelle le massage sensitif. Et ça, c'est vraiment lié à la rencontre avec une copine de Rennes qui s'était mise à faire du massage, enfin à apprendre le massage sensitif. Et je me suis dit, attends, moi, ça m'intéresse. Ce qui m'intéressait dans l'idée que j'en avais, c'était que c'était quelque chose qui impliquait le corps, à la fois en tant que masseuse et massée. Donc, qui était dynamique, qui était dans la relation à deux, donc ça m'allait bien aussi, plutôt que la relation de groupe ou la solitude. Et en fait, du jour où j'ai commencé à apprendre, je me suis dit que c'était le bon endroit, en tout cas que j'avais vraiment envie de continuer, que j'étais au bon endroit, juste pour apprendre. J'avais pas d'enjeu autre que d'apprendre. Et ça... À ce moment-là, tu t'es pas dit que c'était pour t'aller en faire ton travail après ? Non. Non, parce que je crois qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer faire autre chose que d'être chercheur. Je ne savais rien faire d'autre. Enfin, c'est drôle de dire, et puis comme ça, quoi. Et puis petit à petit, j'ai appris le massage, puis après j'ai continué à apprendre la thérapie, donc la psychologie, la psychopathologie. Je me suis formée à animer aussi, à enseigner, à transmettre le massage. Et alors là, j'ai encore découvert un nouveau domaine qui est la psychologie, en fait. Enfin, c'est passionnant. Donc moi qui avais travaillé sur l'écosystème, le soleil, les apports de nitrates, de phosphates, les microalgues et l'homme dans cet environnement. Là, je suis venue m'intéresser à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque individu. C'est quoi l'inconscient, c'est quoi la conscience, qu'est-ce qui fait que j'ai des émotions, qu'est-ce qui se rejoue de ce que j'ai vécu enfant. Et voilà, je découvre un autre univers et c'est juste passionnant. Petit à petit, je me suis dit, en fait, c'est là. Qu'est-ce qui m'anime le plus ? Ce qui m'animait le plus, c'était de continuer la somatothérapie. Et petit à petit, j'ai travaillé moins, à temps partiel, à mi-temps. J'ai pris des congés. Et puis là, je suis vraiment... j'ai arrêté mon travail de chercheur et je suis somatothérapeute. La somatothérapie, en quelques phrases, comment tu la définirais exactement ? Soma, ça vient du corps. C'est le corps. Donc en fait, c'est une thérapie qui prête vraiment une attention au corps. Donc c'est une thérapie d'inspiration psychanalytique, c'est-à-dire vraiment basée sur l'idée qu'on a un inconscient et que cet inconscient il dirige une partie de notre vie, et que l'idée pour devenir un être un peu plus libre, c'est de prendre conscience petit à petit, et c'est un travail de toute une vie, de ce qu'il y a dans notre inconscient. Et donc c'est ce que font les psychanalystes, et la somatothérapie, elle écoute comme les psychanalystes ou comme les psychologues, mais elle s'adresse aussi au corps, elle vient toucher en fait le corps. Elle s'adresse au corps dans la manifestation de ses émotions, dans la manifestation des troubles, hein, les douleurs, les personnes qui viennent, elles arrivent souvent à « j'ai mal là » ou « j'ai mal au dos »,« j'ai la gorge qui serre »,« j'ai mal au ventre ». Voilà, donc qu'est-ce qui vient dire le corps ? Et aussi dans le toucher que je procure, que j'ai appris dans le massage. Voilà, dans quel état la personne avec ce massage se transforme aussi, comment elle peut se détendre ou pas, qu'est-ce qui revient à elle de sa mémoire. Alors, on parle de mémoire corporelle, mais une personne que j'écoute pendant, voilà, elle va parler, elle va peut-être se plaindre, elle va essayer de faire des liens petit à petit avec son vécu. Quand elle s'allonge sur une table de massage, voilà, elle peut être allongée ou elle peut rester assise sur une chaise, mais souvent elle s'allonge et que je viens la toucher, il y a vraiment autre chose qui se met en place. Soit elle parle, soit elle se tait. Et après, c'est encore autre chose qu'elle dit. Comme si elle était sortie d'un registre un peu intellectuel ou de pensée. Et c'est vraiment quelque chose de plus sensible. Le corps permet d'accéder à l'émotion. L'émotion, c'est une manifestation corporelle qui vient aussi dire des choses de notre cerveau émotionnel, mais c'est pas quelque chose qu'on réfléchit, qu'on met en action. Voilà, la somatothérapie prête cette attention au corps et elle est vraiment, je dirais qu'elle est vraiment adaptée aux personnes qui somatisent, si vous, c'est-à-dire dont le corps vient par des douleurs ou par des troubles ou par des maladies, dire des choses qui ne peuvent être élaborées psychiquement. J'avais vu justement sur ton site qu'en fait, ça permettait un peu de réconcilier le corps et l'esprit, c'est à peu près ça. Oui, okay. C'est vraiment, ça s'adresse à l'individu dans sa globalité, corporelle, psychique, intellectuelle, voilà, et dans son passé, dans son présent, ouais. Et qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour son avenir. Donc il y a vraiment toutes ces dimensions, y compris avec l'environnement. Ce qui m'a assez surpris, c'est que finalement, les personnes que tu accompagnes, qui vont être massées, elles sont assez libres d'agir comme elles veulent, si elles veulent bouger ou elles peuvent, et elles parlent justement, comme tu le disais, et je trouvais ça assez surprenant. La somatothérapie, c'est pas du massage, mais la somatothérapie utilise cet outil du massage sensitif. Mais l'idée même du massage sensitif, c'est l'idée de laisser toute la place à la personne. Donc moi, j'ai appris, hein, j'ai une technique pour masser, mais j'ai surtout appris à écouter. Écouter ce qui se passe en moi, et c'est quoi ce qui se passe en moi, qu'est-ce que ça vient de dire de la relation thérapeutique, mais aussi beaucoup écouter la personne et l'accompagner. Donc effectivement, moi je lui propose de laisser son corps s'exprimer, ou ses émotions s'exprimer, ou la parole. Après, c'est aussi un apprentissage. Une personne qui vient se faire masser, en général, au début, elle s'allonge sur une table, elle ne bouge pas, elle ne parle pas, elle demande dans quelle tenue, dans quelle position, et elle attend qu'on fasse. Moi, je ne fais pas, je suis avec elle. Et comment, petit à petit, elle intègre cette liberté d'être, libre à elle de ne pas bouger. Moi, dans ces cas-là, je la masse et puis j'observe. Mais le postulat de base, qui est le même qu'en psychanalyse, c'est que je ne sais pas pour l'autre. C'est l'autre personne qui sait pour elle. Mais elle peut avoir besoin d'aide pour accéder à ce savoir. Donc voilà, moi, j'accompagne pour l'aider à... Et je fais des liens entre ce que je vois, ce que j'observe, ce qu'elle m'a dit avant, et je peux lui proposer aussi des choses. Je peux lui proposer corporellement, je peux lui proposer verbalement des hypothèses. C'est à elle de les valider ou de les réfuter. J'ai vu que tu faisais aussi massage bien-être et tu as été formée aussi à la communication non violente. Oui. Pour toi, c'était important aussi de continuer à se former constamment et... Ah oui, ça c'est terrible, je pense que je me forme et j'étudie plus que je ne travaille, mais en fait les deux, ça résonne. Donc là j'ai repris des études de psychologie, donc voilà, pour asseoir ma pratique de thérapeute, J'ai pris des études de psychologie et je me forme aussi à devenir formatrice pour cadrer un peu mon métier de formatrice. Donc je forme au massage. Alors je pratique que du massage sensitif, c'est du massage de bien-être, mais je ne pratique que le massage sensitif. Okay. Je crois que c'est tellement riche, puisque quand je vais pour masser quelqu'un, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai aucun protocole, j'ai une technique, une écoute. Et après, ce qui se passe se crée, en fait, dans l'instant même. Ça, c'est une richesse. Je n'ai pas besoin d'apprendre. Je ne veux pas faire, je ne veux pas agir sur le corps. Je veux être en présence. Enfin, si j'ai une intention, c'est celle-là. C'est juste d'être là. J'ai des groupes de massage, je forme mon massage. Et puis, je forme aussi, actuellement, je forme, par exemple, les associations qui forment les bénévoles d'accompagnement pour les personnes qui sont en fin de vie, en EHPAD, à l'hôpital, en soins palliatifs. Donc, je les forme à l'écoute. À l'écoute verbale. Et là, bien sûr que la communication non violente, c'est la base de l'écoute, en fait. C'est comment j'écoute mes besoins et comment je peux aller aussi essayer avec l'autre de découvrir ses besoins, parce que c'est mes besoins satisfaits ou non satisfaits qui créent mon humeur, mon émotion, mon sentiment, et c'est les besoins satisfaits ou non satisfaits de l'autre personne qui vont l'amener à réagir. Donc, du coup, ça vraiment, et je suis extrêmement admirative de toute cette école de psychologie humaniste, voilà, qui a démarré avec Carl Rogers, par exemple, et ils ont animé des rencontres, par exemple, avec Israéliens et Palestiniens, quoi. Comment? L'idée, c'est comment faire de la médiation. Alors, ce n'est pas mon travail, je ne suis pas médiatrice, mais quand même, pour que chacun y trouve son compte. Ça, c'est impressionnant. Donc, je forme à cette communication. Je forme à la communication non-verbale. C'est vraiment l'écoute des émotions. Alors, il faut savoir qu'il y a 7% de notre communication qui est de la communication verbale et tout le reste, c'est du non-verbal. C'est soit du paraverbal, c'est-à-dire comment je parle, l'intensité, le phrasé... Et puis surtout, bah, toutes mes émotions, mes mimiques faciales, la distance, la gestuelle, comment je m'habille, tout ce que je viens dire de moi qui ne passe pas par le verbal. Finalement, avec la communication non verbale, en fait, t'en apprends plus sur la personne que même des fois peut-être la personne elle-même, en fait. J'en apprends plus que ce qu'elle peut me dire. Ouais. Ou ça vient renforcer, ou ça vient en conflit. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et donc, pour ces bénévoles qui accompagnent les personnes en fin de vie, c'est vraiment un outil précieux. C'est parce que les personnes confuses, des fois, elles n'ont plus la parole aussi. Donc, comment communiquer avec elles ? Comment être avec elles un instant pour leur permettre de se dire, de s'exprimer, mais même de se dire sans mots ? Et je les forme aussi au toucher. Voilà, comment toucher en étant en présence, en accompagnant. Il ne s'agit pas de faire du massage, il s'agit juste d'être avec l'autre. Et pour des personnes qu'on peut imaginer qui ne sont plus touchées que pour des soins, qui sont plus touchées avec de l'amour, en fait, avec de la bienveillance, qui sont plus touchées comme un petit enfant, il est forcément touché par ses parents, parce que sinon il ne grandit pas, quoi, il ne se développe pas. Comment c'est important, quoi, de permettre au corps d'une personne de ressentir à nouveau. Ça, c'est juste, des fois, c'est pas facile. Les personnes, elles disent « Ah non, moi, je touche pas, on me touche pas. » Mais imaginez, aujourd'hui, le toucher, c'est un peu tabou quand même. Hein. Il y a eu le Covid en plus, c'est abominable. Je leur dis « Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est forcément que vous avez été touché quand vous étiez bébé. Sinon, vous seriez pas là. Vous seriez en hôpital psychiatrique ou vous serez mort, quoi. » Donc, voilà. Oui, c'est un élément essentiel à la vie, à notre vie. Complètement. C'est le premier sens qui se développe dans le ventre chez le fœtus. Au bout de 8 semaines, je crois, le toucher se met en place et c'est encore le sens le plus important pour le petit enfant. Après, voilà, quand il acquiert la parole, la vue prend beaucoup de place aussi. Ça fait combien de temps que tu accompagnes des personnes, justement et... Moi, je peux dire que j'ai commencé il y a 8 ans. Donc, c'est pas très... et professionnellement, ça fait moins longtemps. J'ai commencé par être juste masseuse, après somatothérapeute, maintenant formatrice... J'ai commencé comme formatrice depuis 2020, ça fait 3 ans, voilà. Que ce soit réellement mon nouveau métier, c'est là, c'est 2023, c'est tout nouveau, quoi. Okay. Après, je jonglais avec les deux, à mi-temps de l'un, Donc voilà, là je m'y consacre, j'ai beaucoup d'élan, j'ai beaucoup d'envie, des fois je suis un peu débordée. Et puis il y a aussi se faire connaître. Ça c'est compliqué, des communiquer, des marchés. Donc pour moi il faut que j'ai de l'énergie, que je me sente légitime et je me le sens de temps souvent, mais pas toujours. Donc des fois je ne peux pas communiquer sur ma pratique. Et là j'aimerais développer mes formations auprès du milieu soignant. Mais c'est quand même assez intimidant pour moi le milieu soignant avec tous les codes, tout le contexte, toute la hiérarchie, toutes les études pour certains. Moi, j'arrive. Voilà. Donc, c'est, je pense que c'est l'enjeu de... Mais ça me plairait. Voilà. Et du coup, enfin, comment tu as réussi à trouver justement ces personnes que tu as accompagnées jusqu'à présent, même par bouche à oreille ou... Ouais, au début, bouche à oreille, mon entourage. Après, bah, voilà, j'ai un peu communiqué sur un site internet, je laisse des cartes. Et puis, du coup, bah, maintenant, j'ai des gens qui m'appellent. Je ne sais pas comment ils ont mes coordonnées. Et c'est toujours un. Je me dis, ah, je suis toujours un peu étonnée. Je dis, tiens, voilà, c'est comme ça. Après, j'aime beaucoup le collectif aussi, je ne sais pas. Mais du coup, là, je suis à la Serre, c'est un collectif. Je forme à Craft, c'est un collectif à l'hôpital Canfrout. L'Institut Camilly qui m'a formée, je fais partie du conseil d'administration, c'est aussi du collectif. Et mon activité, elle est portée par la SCOP, la CAE Chrysalide, et c'est l'économie sociale et solidaire, et c'est aussi un collectif. Et en plus, ce que j'ai vu, c'est que enfin, ton site internet, c'est une association aussi. Enfin, t'as une as... Bah, Ah, t'as démarré en je l'ai association. démarré en association, maintenant je ne peux plus, et je l'ai démarré avec Infini aussi, qui est une association brestoise pour démocratiser le web, quoi. Et maintenant, vu que c'est mon métier, et ben Oui, voilà. maintenant tu t'es Je me professionnalisé. suis professionnalisée. Je vois. Mais je garde cette fibre, oui, collective, en fait, Ok. et un peu militante. Enfin, tu as évoqué la Serre, Oui. et donc ça t'es toute récente à la Serre, Ouais. ça fait début mars, non, c'est C'est ça? ça. Donc enfin, pourquoi avoir rejoint justement la Serre? Qu'est-ce que tu y retrouves Alors, avant de venir à la Serre, j'avais déjà un cabinet, enfin, qui ça s'était arrêté, j'avais un cabinet avec des ostéopathes à Plougastel. Donc, j'ai tenté déjà cette aventure sur Plougastel. Ça me disait bien de revenir sur Plougastel, c'est peut-être qu'il y a une clientèle ou une patientèle de Brest qui peut venir par rapport à l'hôpital Canfrout où j'ai mon autre cabinet. Oui, je suis venue voir la Serre parce que justement, ce tiers-lieu, et puis il y a déjà d'autres personnes qui sont dans le bien-être, et ça me semblait intéressant d'essayer de faire quelque chose. Ensemble aussi. Alors j'arrive, donc c'est vraiment doucement. Puis comme je t'ai dit, je suis dans d'autres collectifs et je vois bien comment je ne veux pas pouvoir être intensément partout. Donc pour l'instant, je suis petitement à la Serre. Hier, j'étais à la récolte, c'est la première fois. Ben, en fait, j'ai beaucoup aimé parce que je me dis, ok, ça y est, il y a une belle énergie aussi. Maintenant, voilà, qu'est-ce que j'y mets, comment je m'y implique. Je crois que ça me va bien. Je veux pas travailler toute seule. Moi, dans mon métier de chercheur, j'ai pas travaillé seule et c'est pas comme ça en fait que je trouve. Et... Donc voilà, ça veut pas dire que je vais travailler avec tout le monde de la Serre, mais j'ai quand même des, voilà, les rencontres avec les autres thérapeutes de la Serre sont enrichissantes. Ah, la Serre, c'est aussi c'est super chouette d'avoir des liens et c'est vrai que c'est je pense essentiel même pour travailler et je pense qu'on vient tous un peu chercher ça Oui. Et puis même dans... Alors, pour l'instant, j'ai aussi trouvé avec Chrysalide par exemple, pour le site web, pour la communication, voilà. Autant fonctionner avec des gens que je rencontre, que je connais, avec qui il y a du plaisir à travailler, quoi. Donc, voilà, la Serre peut représenter ça aussi. Tu es tous les mercredis à la Serre, c'est ça? Enfin, plus ou moins, c'est ça, C'est non? ça. Ouais. C'est ma journée. Ok. Et sinon, le reste, t'es à l'hôpital À Canfrout? l'hôpital Canfrout. Ok. Et ben, on va pouvoir, si tu veux, Ah on ouais, peut avec essayer de plaisir. tirer une carte. Je suis très contente de. Je m'en sers parfois, Ouais. aussi bien dans mes séances de somatothérapie que dans mes ateliers. Je me sers de carte oracle, parfois, hein, vraiment, pas tout le temps, mais voilà, j'aime bien. Tu vas tirer une carte Une carte, ok. qui va être l'énergie du jour. Ok. Donc je t'invite à choisir ta carte bah, qui sort la, enfin, sur toutes les cartes qu'il y a sur la table. Ça marche. Je sais pas. Allez, celle-ci. Ah, c'est marée haute. Et il y a une baigneuse qui plonge dans les vagues. Très belle carte. C'est vrai qu'elle est très belle. Mais les dessins sont tous très très beaux. Est-ce que ça t'inspire quelque chose comme ça, avec ton énergie du jour ou... Alors, moi, j'adore me baigner. Et comme, en gros, je me baigne, je ne peux me baigner qu'à Mariotte, ça me parle vraiment. Sinon, c'est la vase. Donc, ouais, je me retrouve. Et dans l'énergie, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'énergie dans cette carte. Il y a les vagues et puis il y a la nageuse. Et du coup, ce temps-là de podcast, pour moi, il était plein d'énergie, en fait. Plein de bonne énergie, voilà. Ok. Plein de joie. Trop d'idées, de projets, d'activités qui t'empêchent de te poser. Ok. Surnager, période trop riche, trop intense, du mal à trouver sur quoi t'appuyer. Tu es capable de fournir beaucoup d'efforts sur des périodes prolongées. Voilà ce qui en ressort de la carte. Je sais pas si ça... Bon, en fait, ça me parle vraiment avec tout ce que... Ouais, ça me parle beaucoup. Avec tout ce que j'entreprends, c'est beaucoup, ouais. Oui, bah, c'est ce que... Bah, c'est pour ça, quand, à force de... Là, quand on a discuté, t'as vraiment beaucoup d'idées et d'envie en même temps. Et je pense que, du coup, c'est vrai que ça colle un petit peu. Du coup, je vais essayer d'aller un peu vers la marée basse. Pour calmer... Dans 2 ans, où tu t'imagines, comment tu t'imagines ta vie dans 2 ans? Ça, c'est incroyable parce que, en fait, je me dis juste que je ne sais pas et que je verrai bien. Et que l'idée, c'est vraiment, je ne sais pas et je verrai bien. Voilà. Je te rejoins un peu dans ce que tu dis. Ok. Carrément. Et puis d'avoir j'ai été longtemps chercheuse. Donc, dans 2 ans, j'étais chercheuse. Puis dans 2 ans, j'étais chercheuse. Et là, il y a quelque chose qui a changé. Et du coup, c'est comme si c'est possible de changer. Donc voilà, tout est possible. Merci beaucoup, en tout cas. C'était merci, très sympa. Ça se voit pas en podcast. Non, c'est j'ai ça. J'ai un grand sourire. Bah, ça s'entend quand même, le sourire. En général, okay. Le sourire s'entend. Ok. Et bah, merci en tout cas. Ok, au revoir Clément. Au revoir. Tu as aimé l'épisode? Je t'invite à donner ton avis sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcast et le partager autour de toi. Ça m'aide beaucoup. Et voilà, Ça dépote est maintenant terminé. Je te remercie d'avoir suivi cette belle aventure avec moi durant 2 mois. Tu as été au rendez-vous, alors merci. Je tiens à remercier l'ensemble des stéristes qui sont passés dans ce podcast. Ça a été un vrai plaisir d'en apprendre plus sur eux et de simplement discuter. Si tu es intéressé par une deuxième saison de Ça dépote et découvrir de nouveaux stéristes, je t'invite à me le dire en commentaire, par mail ou par Instagram. Sur ce, je pars me baigner et profiter de ce bel été. À bientôt.